Franchement, les gens ils me regardent et ils sont gentils avec moi. Et moi, j'ai jamais de soucis en fait. Ça casse tout ici. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis mon balcon, ça sent un parfum de femme. Alors, je répète parce que tout le monde. Quand j'ai une branche, c'est de mettre vent à l'épaule et costaud, c'est ça? Ça sent le parfum de femme et je ne vois aucune femme autour, surtout à cette heure-là. Enfin bref. Et en plus de ça, l'odeur rentre dans mon appartement. Alors ça devient compliqué là, hein? On a l'impression d'avoir la présence d'une femme à l'intérieur de soi, de chez soi. Ça craint. Je ne sais pas ce que tu dis, Sharon. T'as un écho d'enfer. Enfin bref, voilà, je parle un peu de ma vie personnelle, mais bref, c'est un peu troublant. Il y a eu les manifestations contre les violences face aux femmes aujourd'hui. Oh là là, la copine qui va être contente. Thank you. Pas compris. T'es un chien, tu marches sur sa queue, il te mord. Qui est-ce qui est là? T'as pas compris. T'as pas compris. T'es un chien. T'es un chien. Tu marches sur sa queue. Il te mord. Qui est-ce qui est là? Parce que tu vois, tu dois marcher sur la queue, tu vois. Quelque part. Tu vois, t'as pas compris. T'as un chien. Tu marches sur la queue. C'est le chien. Il n'y avait qu'à pas laisser sa queue de sa vie. T'as un chien. Tu marches sur la queue. Il n'y avait qu'à pas laisser sa queue. Non, un chien. Tu vois, t'as pas compris. Un chien, c'est très gentil. J'ai compris. Tu marches sur la queue. Un chien, c'est très gentil. Tu vois, t'as pas compris. Oh! alors, bah, la réponse. La réponse, elle est vite répondue. Hein. Ah ouais. Bah oui. Tu vois, t'as pas compris. Toute mon enfance. Et les copains, je vous dis pas la réponse, hein. La prochaine fois qu'on se croise, vous pouvez me demander. Tu vois, t'as pas compris. Ça va durer, si. Keep cool, courage.